Le rejet de la foi et du repentir après le lever du soleil de son couchant. Quand le soleil se lèvera de son couchant, la foi de celui qui n'était pas croyant auparavant ne sera pas acceptée. Tout comme le repentir du pécheur ne le sera pas. Cela est dû au fait que le lever du soleil de son couchant est un signe manifeste que verront tous ceux qui vivront à cette époque. Ainsi, toutes les réalités leur seront dévoilées et ils assisteront à des événements terrifiants et surprenants poussant à reconnaître et accepter l'existence d'Allah et de ses signes. Leur cas en cela est le même que celui qui assiste à la rigueur d'Allah Azawajal, comme il dit « Et puis quand ils virent notre rigueur, ils dirent « Nous croyons en Allah seul et renions ce que nous lui donnions comme associés. » Mais leur croyance, au moment où ils eurent constaté notre rigueur, ne leur profita point. Telle est la règle d'Allah envers ses serviteurs dans le passé, et c'est là que les mécréants se trouvèrent perdants. Sourate Ghafir, verset 84-85. Al-Qurtubi, rahimahullah, dit « Les savants ont dit que la foi ne profitera à aucune âme au moment du lever du soleil de son couchant, car la peur qui saisira leur cœur, éteignant toute passion de l'âme et affaiblissant toute force du corps, classera tous les gens, convaincus alors de la proximité de la résurrection, dans la même catégorie que ceux à qui la mort se présente, n'étant plus poussés par la moindre incitation à commettre les péchés et leur incapacité à le faire. Celui qui se repent dans une situation pareille, son repentir ne sera pas accepté. Tout comme le repentir n'est pas accepté pour celui à qui la mort se présente alors qu'il agonise. » Ibn Kathir, rahimahullah, dit « Si le mécréant fait naître en ce jour la foi, elle ne sera pas acceptée. Quant à celui qui était croyant auparavant, s'il était vertueux dans ses actes, il aura droit à un bien immense. Mais s'il était confus puis se repent, à ce moment-là, son repentir ne sera pas accepté. » C'est cela que stipule le Saint-Coran et les hadiths authentiques, car Allah Azawajal dit « Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. » Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Sourate Al-An'am, verset 158. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « L'égir ne cessera pas tant que le repentir sera accepté, et le repentir continuera d'être accepté jusqu'à ce que le soleil se lève du couchant. Lorsqu'il se lèvera alors, tout cœur sera scellé avec ce qu'il contient et les gens cesseront d'agir. » Rapporté par Ahmed. Il dit également sallallahu alayhi wa sallam « Certes, Allah Azawajal mit une porte en Occident dont la largeur équivaut à 70 années de marche, pour le repentir qui ne sera fermé que lorsque le soleil se lèvera de ce côté-là. Telle est la parole d'Allah, gloire et pureté à lui. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru. » Certains savants sont d'avis que ceux dont la foi ne sera pas acceptée sont les mécréants qui verront le lever du soleil de son couchant. Mais lorsque le temps aura passé, et que les gens auront oublié cela, la foi du mécréant et le repentir du pécheur seront acceptés. Al-Qurtubi, rahimahullah, dit « Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Certes, Allah accepte le repentir de l'adorateur tant qu'il n'agonise pas, c'est-à-dire que son âme atteint le haut de sa gorge. C'est le moment du dévoilement où l'on voit sa demeure au paradis et celle en enfer. Ainsi, celui qui assiste au lever du soleil de son couchant est comparable à ce dernier. De ce fait, il incombe que le repentir de quiconque assiste à un tel phénomène ou est semblable à celui qui y assiste soit rejeté tant qu'il vivra, car sa connaissance d'Allah, pureté à lui, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa promesse est devenue inévitable. Par contre, si la vie continue de sorte que les gens oublient cette affaire importante qui fut ou n'en parle plus que très peu et que l'information devienne spécifique et ne soit plus notoire, alors celui qui se convertit à ce moment ou se repent, cela sera accepté de lui, et Allah sait mieux. » Il appuie cela avec ce qu'on rapporte. « Certes, le soleil et la lune seront parés après cela d'éclats et de lumière, puis ils se lèveront aux gens et se coucheront. » Également avec ce qui est rapporté d'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu an, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aurait dit « Les gens demeureront après le lever du soleil de son couchant 120 années. » Il est en outre rapporté d'après Imran ibn Hussein qu'il aurait dit, Cela ne sera pas accepté en fait au moment du lever jusqu'à ce qu'il y ait un cri suite auquel de nombreuses personnes périront. Celui qui se convertit ou se repent à ce moment-là puis périt, son repentir ne sera pas accepté. Mais celui qui se repent par la suite, son repentir sera accepté. La réponse à tout cela est que les textes prouvent que le repentir ne sera pas accepté après le lever du soleil de son couchant et que la conversion du mécréant ne sera pas non plus acceptée. Les textes n'ont fait aucune différence entre celui qui assistera à ce signe et celui qui n'y assistera pas. Cela est d'ailleurs appuyé par ce que rapporte At-Tabari, rahimahullah, d'après Aïcha, radhiyallahu anha, qui dit « Lorsque le premier des signes apparaîtra, les calems seront jetés, les scribes seront empêchés d'inscrire et les corps témoigneront des actes. » Le sens visé par le premier des signes ici est le lever du soleil de son couchant. Quant aux signes qui auront lieu avant son lever, les ahadiths indiquent que le repentir et la foi à ce moment-là seront toujours acceptés. Ibn Jarir al-Tabari rapporte également d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qu'il a dit « Le repentir est offert tant que le soleil ne se lève pas de son couchant. » Abu Musa, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Certes, Allah tend sa main de nuit afin que le pécheur du jour se repente, et tend sa main de jour afin que le pécheur de nuit se repente, jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. » Rapporté par Muslim. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise que le terme fixé pour le repentir est le lever du soleil de son couchant. Ibn Hajar, rahimahullah, a cité de nombreux hadiths et textes prouvant la continuité de la fermeture de la porte du repentir jusqu'au jour de la résurrection, puis dit « Voici donc des textes s'appuyant l'un l'autre, s'accordant sur le fait que lorsque le soleil se lèvera de son couchant, la porte du repentir sera fermée et ne sera plus jamais ouverte, et que cela ne concerne pas uniquement le jour du lever, mais s'étendra jusqu'au jour de la résurrection. » Quant aux arguments avancés par Al-Qurtubi, la réponse est la suivante. Au sujet du hadith de Abdullah ibn Amr, l'érudit ibn Hajar rahimahullah dit « L'attribution de ceci au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas confirmée. » Au sujet du hadith de Imran ibn Hussein, il dit « Il n'a aucun fondement. » Quant au hadith, certes, le soleil et la lune seront parés d'éclats et de lumière. Al-Qurtubi n'en a cité aucune chaîne de transmission. Et même en supposant son authenticité, le fait qu'ils retourneront à leur état premier ne constitue pas une preuve que la porte du repentir sera ouverte à nouveau. L'érudit cite aussi qu'il trouva un texte déterminant dans ce débat. Il s'agit du hadith de Abdullah ibn Amr, radhiyallahu an, évoquant le lever du soleil de son couchant. On y trouve « À partir de ce jour, jusqu'au jour de la résurrection. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi à lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. » La bête. L'apparition de la bête de la terre à la fin des temps est un signe de la proximité de l'heure prouvée dans le Coran et la Sunna. L'épreuve du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Sourate An-Naml, verset 82. Ce noble verset a cité l'apparition de la bête et que cela se produira lorsque les gens seront corrompus, qu'ils délaisseront les ordres d'Allah et qu'ils changeront la religion de vérité, alors Allah leur fera sortir une bête de la terre qui parlera aux gens de tout cela. Les savants ont dit à propos de la signification de « quand la parole tombera sur eux », c'est-à-dire lorsque l'exécution de la menace leur incombera à cause de leur entêtement dans la désobéissance, la perversion et la turpitude, de leur opposition au signe d'Allah, de leur renoncement à la méditation de ceux-ci et le délaissement de leur sagesse, puis qu'ils en arrivent dans les péchés à un point où aucune exhortation n'a de succès avec eux et aucun rappel ne les détourne de leur déviance. Allah Azawajel dit que « S'ils deviennent ainsi, nous leur ferons sortir une bête de la terre qui leur parlera, c'est-à-dire une bête qui résonne et dotée de paroles. » Alors qu'habituellement, les bêtes ne sont dotées ni de paroles, ni de raison. Tout ceci afin que les gens sachent qu'il s'agit d'un signe provenant d'Allah Azzawajal. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dit « La parole tombera lorsque les savants mourront, que le savoir disparaîtra et que le Coran sera levé. » Il dit ensuite « Multipliez la récitation du Coran avant qu'il ne soit levé. » On demanda « Ces pages seront levées ? Qu'en sera-t-il de ce qui est dans les poitrines des hommes ?» Il répondit « On l'emportera de nuit, ainsi au matin ils en seront dépourvus. Ils oublieront point de divinité en dehors d'Allah et auront recours aux mêmes paroles des gens du temps de l'ignorance et leurs poèmes, cela lorsque la parole tombera sur eux. » L'épreuve de la Sunna. Abu Huraira, radiyallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il est trois choses qui, lorsqu'elles apparaîtront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Le lever du soleil de son couchant, le faux messie et la bête de la terre. » Abdullah ibn Amr, radiyallahu an, rapporte « J'ai retenu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un hadith que je n'ai pas encore oublié. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Certes, les premiers des signes à apparaître sont le lever du soleil de son couchant et la sortie de la bête aux gens en matinée. Quel que soit celui des deux qui précédera l'autre, l'autre le suivra de très près. » Le hadith de Hudayfa ibn Asid concernant les grands signes dont la bête est dans une autre version, la bête de la terre. Abu Umama, radiyallahu an, rapporte en l'attribuant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « La bête sortira. Elle marquera les gens sur leur nez, puis ceux-ci seront nombreux parmi vous au point que lorsqu'un homme achètera un chameau, on lui demandera « De qui l'as-tu acheté ?» Il répondra « De l'un des marqués. » Abu Huraira, radiyallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant six choses. » Puis il cita « La bête de la terre ». Abu Huraira, radiyallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La bête apparaîtra munie du bâton de Moussa et du sceau de Suleyman. Elle marquera le mécréant, Affan, l'un des transmetteurs précise, le nez du mécréant, du sceau et fera resplendir le visage du croyant avec le bâton, au point que les gens se réuniront autour de leur table de repas et que l'un dira « Ô croyant » et l'autre dira « Ô mécréant ». De quelle espèce est la bête issue de la terre? Les avis sont divergents concernant l'espèce de la bête. Voici quelques opinions des savants à ce propos. Al-Qurtubi rahimahullah dit « Le premier avis est qu'il s'agit du petit de la chamelle de Salih. C'est l'avis le plus correct et Allah sait mieux. » Il a argumenté cet avis par ce que rapporte Abu Daoud al-Tayalisi d'après Hudayfa ibn Asid al-Rifari, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parla de la bête. Il relata le récit et dit « Elle les surprendra en train de crier tel le chameau entre le coin de la pierre noire et la station d'Ibrahim. » Le point d'argumentation est le fait qu'elle poussera le cri du chameau, car lorsque la chamelle fut tuée, son petit fuya, une caverne s'ouvrit à lui et il y entra, puis elle se referma. Il y demeurera donc jusqu'à ce qu'il sorte avec la permission d'Allah Azzawajal. Ensuite il dit « Excella celui qui dit « Rappelle-toi de la sortie du petit de la chamelle de Salih » qui marquera les hommes de l'incroyance et de la foi. » Le choix de cet avis par Al-Qurtubi est discutable, car la chaîne de transmission de ce hadith sur lequel il s'est appuyé contient un homme délaissé par les savants du hadith. De plus, les termes varient dans les ouvrages de hadith, on trouve « s'approchera » et « grandira » au lieu de « poussera le cri du chameau », comme dans le Mustadrak d'Al-Hakim. Il s'agit de l'espionne cité dans le hadith de Tamim ad-Dari, radiyallahu an, dans le récit du faux messie. Cet avis est attribué à Abdallah ibn Amr ibn Ra'as, radiyallahu an. Mais rien dans le hadith de Tamim n'indique que l'espionne est la bête qui sortira à la fin des temps. Il est juste mentionné qu'il rencontra une bête velue, il lui demanda « Qui es-tu ?» Et elle répondit « Je suis l'espionne. » On l'appelle l'espionne car elle rapporte les informations au faux messie. En outre, ce qui est rapporté au sujet de la bête de laquelle nous parlons par rapport au blâme et aux reproches qu'elle fera aux gens pour leur incroyance au signe d'Allah, prouve qu'il ne s'agit pas de l'espionne qui rapporte les informations au faux messie, et Allah Azzawajal sait mieux. Il s'agit du serpent dominant le mur de la Kaaba que l'aigle attrapa lorsque Quraysh voulut reconstruire la Kaaba. Cet avis est attribué par Al-Qurtubi à Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, sans aucune citation d'une chaîne de transmission. Al-Shawkani l'a également cité dans son exégèse. La bête est un être humain qui débat et discute avec les innovateurs et les mécréants afin qu'ils cessent et pour que, sur preuve, périsse celui qui doit périr et vive, sur preuve, celui qui doit vivre. Cet avis est cité par Al-Qurtubi, mais il le réfute en disant que si la bête était un humain débattant avec les innovateurs, elle ne serait pas un événement extraordinaire et l'un des 10 signes de l'heure. D'ailleurs, désigner ce débatteur, homme de mérite et de savoir, auquel les gens de la terre se doivent d'attribuer le titre d'homme, de savant ou d'imam, du nom de bête, n'est pas conforme à l'habitude des éloquents et au respect des savants. La bête est un terme générique qui désigne tout ce qui marche sur terre et n'est pas un animal spécifique accomplissant des faits surprenants et étranges. Il se peut alors que cela soit des microbes dangereux qui dévastent le corps de la personne et sa santé, ils blessent donc et tuent. Ces blessures et son mal sont en fait des paroles sermonnaires adressées aux gens, si ceux-ci avaient des cœurs qui résonnent, les poussant à retourner à Allah et sa religion et leur imposant l'argument. Aussi, l'esprit est plus évocateur que la lettre, car en arabe, parmi les sens de parole, figure blessure. Cet avis est celui d'Abu Ubaïa dans son annotation d'An-Nihaya wal-Fitan wal-Malahim d'Ibn Kathir, mais c'est un avis très éloigné de ce qui est juste pour les raisons suivantes. Les microbes existent depuis les temps les plus reculés, de même que les maladies qui ravagent le corps, les cultures et les bêtes. Par contre, la bête qui est l'un des signes de la fin des temps n'est pas encore apparue. Usuellement, on ne voit pas les microbes à l'œil nu, tandis que la bête, personne n'a dit qu'elle ne sera pas visible. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua certains de ses actes prouvant ainsi que les gens la verront. Il cita qu'elle sera munie du bâton de Moussa et du sceau de Suleyman, et autres parmi ceux qui a été cité précédemment. Cette bête marquera les gens sur le visage du sceau de l'incroyance et de la foi. Elle fera resplendir le visage du croyant et marquera le nez du mécréant. Quant aux microbes, ils ne font rien de cela. Il apparaît que ce qui l'a poussé à cet avis sont les nombreux avis divergents concernant la description de la bête, mais la capacité d'Allah est plus grande et il incombe de se soumettre à ce qui est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique. De plus, quel empêchement y a-t-il à considérer le terme dans son sens apparent ? Nous n'avons recours à l'interprétation que si la réalité n'est pas possible. Surtout que son avis-ci contredit les dires des exégètes qui ont cité que cette bête est différente de ce que connaît habituellement l'homme. Elle est un phénomène sortant de l'ordinaire, tout comme le lever du soleil de son couchant est un phénomène qui sort de l'ordinaire. Il est mentionné dans le hadith qu'ils apparaîtront à un intervalle de temps proche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, le premier des signes à apparaître est le lever du soleil de son couchant et la sortie de la bête aux gens en matinée. Quel que soit celui des deux qui précédera l'autre, le suivant le suivra de très près. La foi qu'il incombe d'avoir est qu'Allah fera sortir à la fin des temps une bête, issue de la terre, qui parlera aux gens. Sa parole sera pour eux un signe prouvant qu'ils méritent la menace, car ils démentaient les signes d'Allah. Quand la bête sortira, les gens comprendront et sauront qu'il s'agit d'un phénomène hors du commun annonciateur de la proximité de l'heure, alors qu'auparavant, ils ne croyaient pas aux signes d'Allah ni aux jours promis. Ce qui appuie le fait que la bête parlera et s'adressera aux gens en des paroles qu'ils entendront et comprendront, c'est que cela est cité dans la sourate An-Naml. Cette sourate relate des événements et des discussions entre groupes d'insectes, d'oiseaux, des djinns et Suleyman, alayhi salam. Ainsi, la citation de la bête et sa parole aux gens correspond bien au contexte de la sourate et à son cadre général. Ahmed Shakir, rahimahullah, dit « Le verset mentionne clairement en langue arabe qu'il s'agit d'une bête, et la bête en arabe a un sens connu et clair qui n'a pas besoin d'interprétation. De nombreux ahadiths dans les sahih et d'autres stipulent l'apparition de cette bête en tant que signe et qu'elle se manifestera à la fin des temps. D'autres textes sont rapportés faisant sa description qui n'ont pas été attribués au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rapporteur de son Seigneur et commentateur des versets de son livre. Il nous incombe de les délaisser. Mais certains de nos contemporains, de ceux qui s'affilient à l'islam, au sein de qui les propos blâmables et les avis erronés se sont propagés, ne désirent pas croire à l'invisible et désirent uniquement s'arrêter aux frontières du matérialisme que leur ont esquissé leurs précepteurs et leurs modèles. Les athées européens et païens libertins qui se sont désengagés de tout comportement et religion. Ceux-là sont incapables de croire en ce quoi nous croyons et sont incapables de démentir clairement, alors ils bredouillent, discutent, tergiverse puis interprète. Ils font ainsi sortir les propos de leur sens véritable établi dans la sémantique de la langue des Arabes, puis les assimilent à des symboles à cause du reniement présent dans leur cœur qu'ils cachent. L'endroit de l'apparition de la bête. Les avis divergent quant à l'endroit d'où apparaîtra la bête. Parmi ceux-ci, elle sortira de la Mecque, de la meilleure mosquée. Ceci est appuyé par ce que rapporte At-Tabarani dans l'Awsat, d'après Hudhayfa ibn Asid, qui selon moi remonte au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La bête sortira de la meilleure mosquée, c'est parmi eux qu'elle foulera la terre, et tandis qu'ils seront ainsi, elle disparaîtra. Elle sortira trois fois. Une fois dans un désert, puis elle se dissimulera, elle apparaîtra une fois dans des villages, puis elle apparaîtra dans la mosquée sacrée. Il y a d'autres opinions que je n'ai pas citées, dont la plupart font mention de son apparition dans l'enceinte sacrée de la Mecque. Allah Azzawajal donc sait mieux. La fonction de la bête. Lorsque cette incroyable bête apparaîtra, elle marquera le croyant et le mécréant. Quant au croyant, elle fera resplendir son visage jusqu'à ce qu'il s'illumine, ce qui sera un signe de sa foi. Quant au mécréant, elle le marquera sur son nez, signe de son incroyance, qu'Allah nous en préserve. Dans le noble verset figure sa parole, « Nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. » Surat An-Naml, verset 42. Au sujet du sens de cette parole, les avis des exégètes divergent. Elle s'adressera à eux avec des paroles. Elle leur adressera un discours, ce qui est appuyé par la lecture de Ubay ibn Ka'b, radiyallahu an, « Tunabbi'uhum » qui les informera. Elle les blessera, cela est appuyé par la lecture « Taklamuhum » puisé du terme « kalm » qui signifie « blessure ». Cette lecture est rapportée par Ibn Abbas radiyallahu anhuma et signifie « elle les marquera d'une marque ». Cet avis est appuyé par le hadith d'Abu Umama radiyallahu an, rapportant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « la bête sortira et marquera les gens sur leur nez ». Il est rapporté d'après Ibn Abbas radiyallahu an qu'il a dit « elle fera tout cela, c'est-à-dire parler et marquer ». Ibn Kathir rahimahullah dit « c'est une bonne parole, nulle contradiction, et Allah sait mieux. Quant à la parole qu'elle adressera aux gens, ce sera « les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes ». Cela est valable pour ceux dont la lecture est « anna », c'est-à-dire qu'elle les informera que les gens n'étaient pas convaincus de la vérité des signes d'Allah. C'est la lecture de l'ensemble des lecteurs de Kufa et certains de Bassora. Quant à la lecture de l'ensemble des lecteurs du Hijaz, Bassora et du Shem, c'est « inna ». Dans le sens est, elle leur adressera des propos qui leur feront du mal ou concernant l'invalidité des religions en dehors de la religion de l'islam. Ibn Jarir dit, ce qui est correct à ce propos est qu'il y a deux lectures dont le sens est proche et répandu dans la récitation de ces régions. Le feu qui rassemblera les gens. Parmi les signes de la fin des temps, figure l'apparition de l'immense feu qui est le dernier des grands signes et le premier des signes permettant la venue de l'heure. L'endroit de sa manifestation. Les versions stipulent que ce feu apparaîtra du côté du Yémen, du fond de Aden, et qu'il sortira de la mer de Hadramaut, comme indiqué dans d'autres versions. Voici quelques hadiths indiquant le lieu de la manifestation de ce feu et figurant parmi les preuves de son apparition. Dans le hadith de Hudayfa ibn Asid, radiyallahu an, concernant les grands signes de la fin des temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et le dernier de tout cela est un feu qui sortira du Yémen, repoussant les gens vers le lieu de rassemblement. » Rapporté par Muslim. Dans une autre version de Hudhayfa, radiyallahu an, « et un feu qui surgira du fond de Aden, qui conduira les gens vers leur lieu de rassemblement. » Rapporté également par Muslim. Ibn Omar, radiyallahu an, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « un feu sortira de Hadramaut ou de la mer de Hadramaut avant le jour de la résurrection qui rassemblera les gens. » Anas, radiyallahu an, rapporte que lorsque Abdullah ibn Salam se convertit, il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de certains points dont « quel est le premier signe de l'heure ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « quant au premier signe de l'heure, c'est un feu qui rassemblera les gens de l'Orient vers l'Occident. » La conciliation du fait que ce feu soit le dernier des grands signes de la fin des temps et le premier des signes de l'heure consiste en ceci. C'est le dernier d'entre eux par rapport à ce qui a été cité comme signe mentionné dans le hadith de Hudhayfa, mais c'est le premier signe après lequel il ne reste aucune affaire de ce monde. Ainsi, ces signes se termineront par le soufflement dans la trompe, contrairement au signe mentionné dans le hadith de Hudhayfa, après quoi il restera quelques affaires de ce monde. Quant au fait que certaines versions mentionnent qu'il apparaîtra du côté du Yémen et que d'autres mentionnent qu'il rassemblera les gens de l'Orient vers l'Occident, on y répond de la sorte. Il est possible de concilier ces versions, à savoir que l'apparition du feu du fond de Aden ne contredit en rien le fait qu'il rassemblera les gens de l'Orient vers l'Occident, car il débutera du fond de Aden, puis s'étendra sur toute la terre. Et sa parole, qui rassemblera les gens de l'Orient vers l'Occident, signifie la généralisation du rassemblement et non spécialement l'Orient et l'Occident. Lorsque le feu se propagera, il rassemblera d'abord les gens d'Orient. Cela est appuyé par le fait que les troubles débutent toujours du côté de l'Orient. Quant au fait que la destination sera en Occident, c'est parce que le Shem, par rapport à l'Orient, fait partie de l'Occident. Il se peut que le feu cité dans le hadith de Anas, radiyallahu an, soit une allusion aux troubles propagés, avivant un grand mal et s'attisant tel le feu dont le début apparaît en Orient jusqu'à ravager sa majeure partie et pousser les gens d'Orient à se rendre au Shem et en Égypte qui se trouve du côté de l'Occident, comme cela fut constaté à plusieurs reprises depuis l'époque de Gengis Khan et ceux après lui. Quant au feu cité dans les hadiths de Hudayfa ibn Asid et ibn Umar, il s'agit d'un feu réel, et Allah Azzawajal est plus savant. La manière dont il rassemblera les gens. Lors de l'apparition de ce grand feu du côté du Yémen, il se propagera sur terre et conduira les gens vers la terre du rassemblement vers laquelle ils seront rassemblés en trois catégories. La première est un groupe formé de gens désireux, rassasiés, vêtus et à dos de monture. La deuxième est un groupe de gens qui tantôt marchent, tantôt montent une bête, montant à tour de rôle sur un seul chameau, comme nous le verrons dans le hadith, deux sur une monture, trois sur une monture, jusqu'à la fin du hadith, à cause de la pénurie des montures en ce jour. La dernière catégorie est faite de gens que rassemblera le feu qui les cernera par derrière, les conduisant de tous côtés vers la terre du rassemblement, celui qui tarde étant dévoré par ses flammes. Parmi les hadiths décrivant la manière dont ce feu rassemblera les gens, il y a Abu Huraira, radiallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens seront rassemblés selon trois catégories. Désireux, apeurés, deux pour un chameau, trois pour un chameau, quatre pour un chameau et dix pour un chameau. Et le reste d'entre eux sera rassemblé par le feu, là où ils feront la sieste, il sera. Là où ils passeront la nuit, il sera. Là où ils seront le matin, il sera. Et là où ils seront la nuit, il sera. » Rapporté par Al-Bukhari. Abdullah ibn Amr, radiallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un feu sera envoyé contre les gens d'Orient et les rassemblera vers l'Occident. Là où ils passeront la nuit, il sera, et là où ils feront la sieste, il sera. Il saisira ce qu'ils feront tomber et celui qui tardera. Il les conduira à la manière que l'on conduit un chameau dont la patte est cassée. » Hudhayfa ibn Asid rapporte « Abu Dhar, radiallahu an, se leva et déclara « Ô Banu Rifar, parlez et ne divergez pas, car le véridique sallallahu alayhi wa sallam m'a rapporté « Les gens seront rassemblés en trois groupes. Un groupe à dos de monture, rassasié et vêtu, un groupe marchant et courant, et un groupe que les anges tireront sur leur visage et rassembleront vers le feu. » L'un d'entre eux dit « Ces deux groupes, nous les connaissons, mais qu'en est-il de ceux qui marchent et qui courent ?» Il répondit Allah donnera la mort aux montures de sorte qu'il ne restera plus de montures, si bien qu'un homme possédant un jardin merveilleux l'offrirait contre un vieux chameau en activité, sans que cela ne soit possible. La terre du rassemblement. Les gens seront rassemblés vers le Shem à la fin des temps. C'est donc la terre du rassemblement comme le mentionnent les hadiths authentiques suivants. Ce qui est rapporté d'après Ibn Umar, radiallahu anhuma, concernant l'apparition du feu, il dit « Nous demandâmes. « Ô messager d'Allah, que nous ordonnes-tu » Il dit « Allez au Shem. » Hukaym ibn Muawiyah al-Bahzi rapporte d'après son père, il relata son récit dont c'est dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam « C'est ici que vous serez rassemblés, c'est ici que vous serez rassemblés, c'est ici que vous serez rassemblés, à trois reprises, à dos de monture, marchant et sur vos visages. » Ibn Abi Bukair précise Il désigna de sa main le Shem en disant « C'est ici que vous serez rassemblés. » Dans une version d'après Bahz ibn Hukaym, d'après son grand-père, il dit « Je demandais, ô messager d'Allah, où m'ordonnes-tu d'aller ?» Il répondit « Par ici. » Et il désigna de la main le côté du Shem. Abdullah ibn Amr, radiallahu an, rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Il y aura émigration après émigration. » Les gens partiront vers le lieu d'émigration d'Ibrahim. Il ne restera sur terre que les pires de ses habitants. Leurs terres les rejetteront et l'être d'Allah les répugnera. Le feu les rassemblera avec les singes et les porcs. Là où ils passeront la nuit, il sera. Là où ils feront la sieste, il sera. Et dévorera ceux qui resteront en arrière. Ibn Hajar, rahimahullah, dit: dans l'exégèse d'Ibn Uyayna, selon Ibn Abbas, on trouve: quiconque doute que la terre de rassemblement sera de ce côté-là, du Shem, qu'il récite le début de la sourate Al-Hashr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit en ce jour: sortez. Ils demandèrent: vers où? Il répondit: vers la terre du rassemblement. La raison pour laquelle la terre du Shem est la terre du rassemblement est que la sécurité et la foi, lorsque les troubles arriveront à la fin des temps, se trouveront au Shem. Des hadiths authentiques furent rapportés au sujet de son mérite et de l'incitation à y habiter. Abu Darda, radiallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tandis que je dormais, je vis que le pilier du livre fut ôté du dessous de ma tête. Je pensais alors qu'on le ferait disparaître, mais je le suivis des yeux et on l'amena au Shem. Certes, la foi, lorsque les troubles éclateront, se trouvera au Shem. Abdallah ibn Hawala, radiallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu la nuit du voyage nocturne un pilier blanc semblable à un étendard que portaient les anges. Je demandai: que portez-vous? Ils répondirent: le pilier du livre. Il nous a été ordonné de le déposer au Shem. Abdullah ibn Hawala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'affaire se poursuivra en sorte que vous serez des armées différentes. Une armée au Shem, une armée au Yémen et une armée en Irak. Ibn Hawala demanda: choisis pour moi, ô messager d'Allah, la meilleure si je venais à vivre cela. Il dit: rends-toi au Shem, car c'est la terre élue d'Allah qu'il réserve aux élus d'entre ses serviteurs. Mais si vous refusez, alors je vous recommande votre Yémen et puisez l'eau de vos étangs, car Allah s'est chargé pour moi du Shem et de ses habitants, de sorte que les troubles ne les atteindront pas. De plus, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en faveur du Shem, qu'il soit béni, comme le rapporte Ibn Omar, radiallahu anhuma: ô Allah, bénis pour nous notre Shem. Ô Allah, bénis pour nous notre Yémen. Nous avons aussi vu que la descente de Isa alayhi salam à la fin des temps aura lieu dans le Shem. C'est là que les croyants seront rassemblés pour combattre le faux Messie. Par contre, Abu Ubaya a réfuté le fait que la terre du Shem soit la terre du rassemblement et dit: les propos désignant la terre du rassemblement ne reposent sur aucun argument du livre, de la sunna ou du consensus. Au contraire, ce qu'il y a dans le Saint-Coran le contredit. Allah dit: au jour où la terre sera remplacée par une autre. Où donc sera la terre du Shem alors? On y répond en disant que les preuves convergent quant au fait que la terre du rassemblement est le Shem, comme nous l'avons vu. Ce qui l'a poussé à cela est sa croyance que ce rassemblement aura lieu dans l'au-delà et non dans ce bas monde. Mais je vais démontrer dans le point suivant que ce rassemblement aura bien lieu sur terre, comme l'indiquent les textes authentiques. Le rassemblement aura lieu dans ce bas monde. Ce rassemblement qui est cité dans les hadiths aura lieu sur terre. Il n'est pas question du rassemblement des gens après leur résurrection de la tombe. Al-Qurtubi, rahimahullah, a cité que le rassemblement dont le sens et le regroupement est de quatre sortes: deux rassemblements sur terre et deux rassemblements dans l'au-delà. Quant aux deux rassemblements sur terre, le premier est l'expatriation des Banu Nadir vers le Shem et le deuxième est le rassemblement des gens avant la résurrection vers le Shem. Il s'agit ici du feu cité dans le hadith. Ce rassemblement sur terre est un fait sur lequel la majorité des savants sont unanimes, comme le cite Al-Qurtubi, Ibn Kathir et Ibn Hajar. Et c'est ce qu'indiquent les textes que nous avons vus. Certains savants, dont Al-Ghazali et Al-Hulaymi, pensent que ce rassemblement ne sera pas sur terre mais dans l'au-delà. Ibn Hajar cite que certains exégètes d'Al-Masabih pensent qu'il s'agit de la résurrection des tombes. Ils se sont argumentés pour cela sur plusieurs choses. Lorsque le terme « Hashar » est employé selon l'usage théologique, il désigne la résurrection des tombes tant qu'aucune preuve ne le précise. Cette division dans les informations ne s'applique pas au rassemblement vers le Shem, car les migrants se doivent d'être soit désireux, soit apeurés, ou les deux. Le rassemblement du reste des gens tel qu'il a été mentionné, et le feu les poussant vers cette direction, en restant près d'eux sans se séparer d'eux, est une parole au sujet de laquelle aucun arrêt par les textes n'a été établi. Aussi, nous ne pouvons convenir de l'emprise du feu sur terre contre les damnés sans texte. Les ahadiths s'expliquent les uns les autres. Nous trouvons un hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu an, mentionnant « Trois sur des montures, trois marchant à pied et trois sur leur visage. » Cette division mentionnée dans ce texte correspond à ce qui est cité dans la sourate Al-Waqi'a, dans sa parole « Alors vous serez trois catégories. » La réponse à leur argument se résume de la sorte. La preuve stipule que ce rassemblement aura lieu sur terre, tout comme les hadiths précédemment cités le mentionnent. La division citée dans la sourate Al-Waqi'a n'implique pas qu'il s'agisse de la division citée dans le hadith, car ce qui figure dans le hadith est mentionné dans le but d'échapper aux troubles. Celui donc qui en trouvera l'occasion voyagera à dos de monture et muni de quelques provisions, désireux de ce qu'il va chercher et apeuré de ce qu'il fuit. C'est la première catégorie citée dans le hadith. Ceux par contre qui flâneront au point que les montures se feront rares et se les partageront, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie sont ceux que le feu rassemblera et que les anges tireront. Les textes qui témoignent des hadiths montrent bien que le feu désigné n'est pas le feu de l'au-delà, mais qu'il s'agit d'un feu qui surgira de la terre, contre lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde et dont il a cité la manière dont il agira dans les hadiths évoqués. Le hadith sur lequel ils se sont basés d'après la narration de Ali ibn Zayd, l'un des transmetteurs dont le degré de fiabilité est controversé, ne contredit en rien les hadiths citant que le rassemblement se fera sur terre. De plus, l'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte un hadith du même Ali ibn Zayd mentionnant qu'ils repousseront de leur visage toute élévation de terrain et épine, alors que la terre du jour de la résurrection sera une terre nivelée, sans la moindre distorsion, ni but, ni élévation, ni épine. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, dit « Les savants ont dit, ce rassemblement aura lieu à la fin des temps, avant la résurrection et avant le soufflement dans la trompe, sur preuve de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le feu rassemblera le reste d'entre eux, il sera avec eux quand ils dormiront, feront leur sieste, au matin et au soir. » L'érudit Ibn Kathir, rahimahullah, après avoir mentionné les hadiths concernant l'apparition du feu, soulignant bien que ce rassemblement aura lieu sur terre, dit « Ces textes prouvent que ce rassemblement sera celui de ceux qui seront présents à la fin des temps de toute contrée de la terre vers le lieu du rassemblement qui est la terre du Shem. » Tout ceci prouve que cela aura lieu à la fin des temps, car il est question de nourriture, de boissons, de montures achetées et autres, et que le feu fera périr ceux d'entre eux qui tarderont. Mais si cela était après le soufflement pour la résurrection, il n'y aurait ni mort, ni monture achetée, ni nourriture, ni boisson, ni vêtements dans les arènes de la résurrection. Quant au rassemblement de l'au-delà, il est rapporté dans les hadiths que les gens, croyant comme mécréants, seront ressuscités pieds nus, nus, non circoncis et sans leur malformation. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, rapporte « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se leva parmi nous et dit « Vous serez ressuscités pieds nus, nus et non circoncis, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. Et le premier être qui sera vêtu au jour de la résurrection sera Ibrahim, l'ami intime. » Ibn Hajar, rahimahullah, dit « Et d'où ceux qui seront ressuscités après la mort, nus et pieds nus, pourraient posséder des jardins afin de les donner contre de vieux chameaux ?» Ceci prouve bien que ce rassemblement aura lieu sur terre avant le jour de la résurrection. Quiconque va à l'encontre de cela se sera écarté de la vérité, et Allah sait mieux. Conclusion. Cela se résume aux résultats les plus importants de cette recherche, à savoir, premièrement, la croyance au signe de l'heure fait partie de la croyance en l'invisible, sans laquelle la foi du musulman n'est pas complète. Deuxièmement, la croyance au signe de l'heure fait partie de la croyance au jour dernier. Troisièmement, les informations qui sont confirmées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'elles soient notoires ou uniques, se doivent d'être acceptées et crues. Il n'est pas permis de les rejeter, car les croyances sont affirmées par les informations authentiques, même si elles sont à caractère unique. Quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé sa communauté de ce qui fut et ce qui sera jusqu'à la venue de l'heure. Les signes de la fin des temps constituent la plus grande partie de ces informations. Cinquièmement, la connaissance de l'heure est un savoir qu'Allah s'est réservé. Il ne l'a dévoilé à aucun ange rapproché, ni aucun prophète envoyé. Sixièmement, aucun texte authentique n'est rapporté quant au temps exact que subsistera le monde. Septièmement, les petits signes de l'heure sont apparus en majorité et il n'en reste plus que très peu. Huitièmement, L'apparition intégrale des petits signes de la fin des temps signifie que l'apparition de l'entièreté du signe est complète, de sorte qu'il ne reste plus rien qui s'y oppose, sauf rarement. Neuvièmement, le fait qu'une chose figure parmi les signes de la fin des temps ne signifie pas qu'elle soit prohibée. Au contraire, les signes de la fin des temps englobent ce qui est interdit, obligatoire et permis, le bien et le mal. Dixièmement, aucun des grands signes n'est apparu jusqu'à présent. Onzièmement, lorsque le premier des grands signes apparaîtra, les autres signes se suivront tels les perles d'un collier, l'un après l'autre. Douzièmement, les signes de la fin des temps qui sont apparus sont des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un signe de sa prophétie car il a informé de choses qui se produiront et qui se sont produites telles qu'il l'a dit. Treizièmement, l'apparition de la plupart des signes de la fin des temps prouve la corruption de ce monde et qu'il est proche de sa fin. Ils sont donc comparables aux signes de la mort se manifestant chez celui qui agonise. Quatorzièmement, la porte du repentir restera ouverte jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant et lorsqu'il s'enlèvera, elle sera fermée jusqu'au jour de la résurrection. Quinzièmement, le lever du soleil de son couchant n'est pas la venue de l'heure. Certaines affaires de ce monde auront encore cours telles que la vente, l'achat et autres. Seizièmement, le dernier des grands signes de la fin des temps sera le feu qui rassemblera les gens vers le Shem. Ce rassemblement aura lieu sur terre avant le jour de la résurrection. Et dernièrement, l'heure ne surprendra que les pires êtres. Nous demandons à Allah le salut, Allah c'est mieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, et puisse Allah prier sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.